Psaume 5. Psaume de David, donné au maître chantre, pour le chanter sur Nilote. Éternel, prête l'oreille à mes paroles, entends ma méditation. Mon roi et mon Dieu, sois attentif à la voix de mon cri, car c'est à toi que j'adresse ma requête. Éternel, entends dès le matin ma voix, dès le matin je me tournerai vers toi, et je serai au guet. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté, le méchant ne séjournera point chez toi. Les orgueilleux ne subsisteront point devant toi, tu as toujours haï tous les ouvriers d'iniquité. Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge, l'Éternel a en abomination, l'homme sanguinaire et le trompeur. Mais moi, comblé de tes bienfaits j'entrerai dans ta maison, je me prosternerai dans le palais de ta sainteté, avec les sentiments d'une crainte respectueuse. Éternel, conduis-moi par ta justice, à cause de mes ennemis, dresse ta voix devant moi. Car il n'y a rien de droit en sa bouche, leur intérieur n'est que malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils flattent de leur langue. Ô Dieu, fais-leur leur procès, et qu'ils échouent dans leurs entreprises, chasse-les au loin, à cause du grand nombre de leurs transgressions, car ils se sont rebellés contre toi. Mais que tous ceux qui se confient en toi, se réjouissent, qu'ils soient en joie perpétuellement, et que tu sois leur protecteur, et que ceux qui aiment ton nom, s'égaient en toi. Car, ô Éternel, tu béniras le juste, et tu l'environneras de bienveillance comme d'un bouclier.